Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à cette première balado-diffusion de Pas de problème. Et ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Et Mathieu Bouillon. Salut Fred, salut JP, salut Antoine. Salut. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut expliquer qu'est-ce que Pas de problème? Oui, bien essentiellement, Frédéric, les gens nous posent des problèmes. Qu'il soit d'ordre personnel ou plus large, c'est universel. Et ici, à cette émission, on s'engage à trouver des solutions. Peut-être pas des bonnes? Non, mais des solutions quand même. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu un brainstorming... Public. Public, ouais. Oui. Voilà. C'est comme si on mettait nos cerveaux à nu devant les gens. Exactement. Pour aider la population. J'adore ça. C'est parfait. C'est magnifique. Oui. Non, je l'aurais pas dit comme ça. Ah, non, allons-y. Non, non, ben, non, c'est très bon. C'est pour ça qu'on va faire d'autres émissions. Oui. Hein? Puis tu le diras autrement. D'accord. Mais on compte sur toi, Antoine, pour donner de bonnes solutions. Notre premier problème, qui nous vient de Richard Duguay. Oui, qui nous a écrit, parce que d'ailleurs, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, dans le groupe « Pas de problème ». Voilà, c'est plugué. Et Richard Duguay a écrit « J'ai besoin d'entrer 30 heures dans une journée qui n'en contient que 24. Que faire? » Hey. Et même Dominique, qui ça donne à être mon frère, a écrit « Richard a raison, car on aimerait tous dormir 6 heures de plus. » Bon, c'est, Richard n'a pas l'air de dire que c'est pour dormir nécessairement. Donc, on peut peut-être voir justement le problème de différentes façons. C'est pas d'hier qu'on essaie d'entrer 30 heures en 24. Messieurs? Ça, c'est vrai, Fred. D'ailleurs, moi, là, j'ai entrepris une recherche sur ce sujet parce que ça me fascine, moi, les heures, les secondes et les minutes, là, toutes ces unités de temps-là. D'accord. Moi, là, je suis un maniaque de ça. Et savais-tu que si notre calendrier compte 24 heures, eh bien, ce sont les Babyloniens qu'il faut blâmer. Oh oui. Parce qu'eux autres, là, ils comptaient sur leurs doigts. Comme nous autres, mais ils comptaient sur les phalanges. Fait que chaque doigt a comme 3 phalanges. Mm-hmm. Fait qu'ils comptaient juste sur le 4 doigts. Fait que chaque main faisait 12. Ils comptaient avec les pouces. Comptaient avec les pouces. Hein, on a lu la même recherche. Non, je ne l'ai pas lu. C'est par déduction. OK. Ben, est-ce que ça répond à ta question, Richard? Non. Donc, avoir plus de phalanges, oui. À ce moment-là, il y aurait 30 heures. Ah, il y aurait 30 heures, ben, voilà. Moi, en cherchant un peu, parce qu'il y a plusieurs solutions. Hein, pas de problème. Oui, pas de problème. Bien dit. On offre plusieurs solutions. Les solutions magiques où on dépasse la réalité pour donner la solution. Il y a les solutions blockbuster où on n'a pas peur de dépenser de l'argent. Des solutions trop compliquées parfois et finalement pour se rendre à la solution la plus raisonnable et probablement la meilleure. Donc, il y a une façon de voir la chose, c'est de... convaincre les gens qui nous entourent de passer à des journées de 30 heures. Ah, oui, oui, oui. Oui. Mais, via un communiqué de presse? Ce serait des plus petites heures, déjà. Tu arrêterais le même temps, non? Non, ben oui. En fait, il y a Phil, je ne sais pas c'est quoi son nom de famille, mais sur le monde du web, qui a écrit qu'à un moment dans sa vie, il s'est demandé s'il pouvait passer à 30 heures par jour. Et en fait, il fait juste changer le mois, au lieu de durer 30 jours, il dure 24 jours. Mais tout ça peut juste fonctionner avec une entente universelle ou quelque chose comme ça. Parce que lui-même, c'est comme le principe de l'argent. Tu peux pas décider toi-même que l'argent fonctionne plus parce que c'est un principe universel. C'est une espèce de loi, un non-dit que tu n'as pas le choix de respecter sans ça. Mais dans les solutions blockbuster où on peut dépenser beaucoup d'argent, c'est peut-être se créer un écosystème où on pourrait gérer la lumière avec les gens qui habitent dans l'écosystème avec nous. Ça, c'est la solution que tu proposes. Non. Tu aurais un cycle de 30 heures au lieu de 24 heures d'une journée, c'est ça? On pense à l'extérieur de la boîte, là. Non, j'adore oui, ça. Oui, c'est ça. Donc, ça répond à ta question, ça, vraiment. Mais non, mais c'est pas fini. Non, c'est intéressant. Je sais pas si tu as terminé. Et d'ailleurs, de cette façon-là, c'est-à-dire on resterait à 12 mois, 30 heures par jour, 24 ou 25 jours par mois, À part février, qui resterait moins, qui serait moins long, et qui serait l'année bissextile viendrait aux 5 ans. Ah, c'est fou, hein? Ça fonctionne. Mais tu sais, dans cette espèce de biodôme-là, est-ce qu'il y aurait le mauvais frère Baldwin puis l'autre mauvais comédien qui jouait dans le biodôme? Comment il s'appelle? Deux secondes, je fais une recherche. Est-ce que c'est Yahoo Serious? Non, il jouait dans Encino Man. C'est, Oui, c'est... Paul? Non. Pauly Shore. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Richard? Faut arrêter de dire. Ceci dit, rien ne t'empêche de... Toi, vive une journée basée sur 30 heures, peu importe le lever du soleil ou le coucher du soleil. Oui. Évidemment, tous les 4 jours, tu perdrais une journée sur tout le monde. Ceci dit, ce qui fait qu'aux 4 ans, tu reviendrais la même journée, mais un an plus tôt. Comme là, on est le 24 septembre. Oui. Alors, si tu commences maintenant, quand les gens vont être rendus le 24 septembre 2013, toi, tu vas être le 24 septembre 2012. Mais tu vas avoir la même heure et la même journée, ce qui n'est pas si pire. Aux 4 ans. Très bien. Oui, c'est un trip personnel. C'est un bon début. Ouais. Et savais-tu, Frédéric? Moi, je dois avouer que j'ai déjà pensé, j'ai essayé de calculer puis de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais peut-être l'été prochain. Et oui, je vais peut-être vous surprendre, mais il y a déjà une journée dans l'année qui dure plus de 24 heures. Quoi? Intéressant. La planète Terre s'aplatit tranquillement à cause de la rotation et ralentit. Ce qui fait que les journées durent un peu plus longtemps. Donc, maintenant, le 31 décembre, à minuit, les gens qui s'occupent de l'heure officielle arrêtent pendant une seconde ou deux, tout dépendant, pour rattraper le temps perdu dans la nuit. Ah ouais? Donc, ta grosse journée où tu as besoin d'un peu plus de temps, tu t'enlignes sur le 31 décembre ou le 1er janvier parce que tu vas avoir 24 heures et 2-3 secondes de plus. Hein? Donc, et plus ça va aller, plus ça va ralentir. Ben, les gens ont déjà compris ça. C'est pour ça qu'ils font la fête le 31 décembre, oui, non? Oui, absolument. Absolument dans ce ça dure sens, plus non? longtemps. Chou! Merci, Jean-Philippe. Ah, ça fait plaisir. Non, mais une autre façon de voir les choses, parce que lui, il ne veut pas vivre une journée de 30 heures nécessairement. Il veut juste entrer une journée de 30 heures dans une journée de 24 heures. Oui. Et je ne sais pas si vous connaissez le principe... En fait, je le connais... pas ben ben moi non plus. Non, mais je vous explique qui veut que qu'on soit capable de faire le travail qu'on a à faire dans le temps qu'on nous donne. C'est-à-dire, si on me donne 2 jours pour faire un travail, je vais le faire en 2 jours. Okay. Si j'en ai 6, je vais dire, hey, ça me prend 6 jours pour le faire, tu sais. Donc, on... Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs... Il y a un groupe d'Américains qui se sont basés là-dessus pour partir leur une requête là, de la semaine de 2 jours. Ah, okay. Oui, eux, ils veulent qu'une semaine ait 2 jours de travail et 5 de congé. Donc, peut-être... Comme l'inverse, on travaillerait le samedi et le dimanche. Là. Ah, ouais. C'est plate un peu. C'est plate. Oui. Mais bon, voilà. Peut-être qu'on pourrait appeler ça le week debut au lieu du week-end. Ah, le week debut. Ouais, j'aime ça, ce mot-là, debut. Mais ceci dit... Je pense que Richard pourrait peut-être calculer ces choses et se donner vraiment des temps pour dire, OK, bon, aujourd'hui... Gérer son temps. Je vais faire... Oui, c'est pas la solution à tout cas. Ben non, mais là, c'est bon. Mais vraiment, en prenant en compte de cette théorie-là... Non, c'est intéressant. Ouais. Moi, je viens de flasher sur quelque chose, d'ailleurs, avec ça. Il pourrait se procurer un agenda papier. Oui. Et gérer son temps à l'aide de cet outil. Mais c'est pas bête. c'est une bonne solution réaliste. Mais est-ce que ce serait possible de le faire sur ordinateur? Oui, il y a des outils informatiques qui existent pour ça maintenant. Okay. Jean-Philippe? Ben moi, j'ai une solution un peu scientifique ici, mais qui pourrait peut-être fonctionner. Puis est en croisement avec la blague du frère à Fred, donc de Dominique, par rapport au sommeil, disant que le corps, pour réduire la nuit de sommeil, disons, le corps peut s'habituer semaine après semaine en suivant un horaire régulier et en dormant 10 minutes de moins par nuit. Donc, on dort 10 minutes de moins. Disons qu'on se couche à 10 heures, normalement. Bien là, on se couche à 10h10 pendant une semaine de temps. Et le corps est habitué, donc, au manque de sommeil après une semaine. On enlève 10 minutes de plus la semaine suivante. Donc, c'est possible de rattraper du temps comme ça sur 6 mois, quelque chose du genre, pour avoir moins de sommeil. Il faut une espèce de discipline, semble-t-il, là, respecter les heures, tout ça. Mais ça fonctionne. Il y a Léonard de Vinci qui dormait 15 minutes aux 3 heures. Donc, évidemment, il ne dormait que 3 heures par jour. D'ailleurs, oui, il y en a qui suggèrent le sommeil polyphasique. C'est comme ça, je pense, que ça s'appelle. Okay. Oui, donc de plusieurs phases. Mais oui, parce que nous, on est monophasique, mais en fait, on fait un de dos, mais dans ce sommeil-là, on a plusieurs phases. Okay. Eux, ils suggèrent... ben là, faut aller voir ça. C'est de la science, là. Mais dormir de 15 à 30 minutes plusieurs fois par jour. Mais c'est pas comme Dali... 100 c'est fois pas, par jour. C'est pas Dali qui avait ses clés dans ses mains? Ou c'est... ou c'est Léonard de Vinci. Non, je sais pas s'il y avait des clés de char à cette époque-là. Ouais, quand tu t'endors, tes échappes, tu te réveilles. Ouais. C'est ça. Tu pars. Ouais. Hey, dans le science-fiction, un petit peu, oui. Il y a eu des études de fait. OK. Des gens qui sont enfermés dans un lieu où ils n'ont aucun rapport au temps. Donc, ils n'ont pas la lumière du jour, okay. Pas de montre, rien. Puis, ils laissaient les gens vivre sous observation. C'est occupation double, ça, non? Oui, mais ils ont la lumière du jour. Ah, OK. Mais pour voir quel cycle, naturellement, ils allaient prendre. Oui, oui, oui. Et ça tournait autour de 26-27 heures par jour au lieu de 24. OK. Ce qui fait dire à certains qu'on venait peut-être d'une autre planète. Oh. Donc, trouver une planète qui aurait une journée de 26-27 heures. Ou que la Terre était plus grosse avant. Elle tournait plus vite, pas de question. Ah, oui. Mais donc, naturellement, on aurait un rythme de 26-27 heures par jour. Donc, ma solution science-fiction, retrouver notre planète d'origine. Qui sera relativement facile à trouver puisqu'elle aura 26 heures dans une journée. Et pourra soutenir la vie et retourner là à nos origines. Je pense qu'on a trouvé la solution. C'est la solution la plus simple jusqu'à maintenant. Ça. Non, mais il y en a d'autres. En fait, peut-être on peut partir de la phrase « Le temps, c'est de l'argent ». Oh! Intéressant. Ouais. Et peut-être tester cette théorie en payant du monde pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Ben ouais. Oui, mais pour ça, il faut de l'argent. Et des fois, pour faire de l'argent, ben... Ça prend du temps. Ouais, c'est ça. C'est un autre problème. Et une solution, le Rotato. Vous connaissez le Rotato? Qui épluche les patates plus rapidement que... Oui, je vois pas le lien encore, oui. Encore. Qui épluche les patates plus rapidement qu'une épluche patate. Eh bien, pas plus vite. Se munir de plein d'objets... qui vont un des petit magic peu bullet. Plus... Oui, la oui, magic oui. bullet. Tout. Ben, l'arrivée du micro-ondes, ben oui. aussi. Ça l'a libéré... La femme. Il l'a dit, il l'a dit. Bon. La femme moderne. La femme en moi aussi. Oui. Et hey, j'ai une dernière note, note scientifique. On sait que plus on s'approche de la vitesse de la lumière, par comparativement à des gens qui ne s'approchent pas de cette vitesse, on vieillit moins vite. Donc, on gagne à quelque part... du temps. Ah. Évidemment, aller à la vitesse de la lumière, c'est un peu complexe. Mm. Par contre, puisqu'on sait que la Terre tourne, plus on s'éloigne du centre de la Terre, plus on va rapidement. Donc, plus on s'approche d'une vitesse de la lumière. Donc, vivre en altitude, comme dans une ville comme Mexico, ou ne serait-ce même dans la ville, chercher un troisième, quatrième, cinquième étage, vous gagneriez sur une vie, quelques secondes peut-être, sur votre voisin d'en bas. On est loin du 30 heures. Oui, temps, oui, oui. Par jour, mais il y a peut-être une... Parce que si on combine plusieurs solutions, déjà, on a gagné 4-5 minutes par jour. Mais oui, complètement. Alors, messieurs... Chapeau. Oui, ben on va faire un dernier petit tour de table pour avoir soit votre solution préférée ou, selon vous, la meilleure. Ou peut-être un flash de dernière minute, en commençant avec... Jean-Philippe! Ben, ça peut commencer par moi. pour moi, ben, tu sais, ça reste ésotérique, là, toutes ces solutions-là, puis c'est intéressant. Mais j'aime beaucoup celle par rapport à la qualité de vie, par rapport à engager des gens qui font de la job à ta place. Comme ça, tu as plus de temps pour toi, sans rallonger la journée en soi. Fait que c'est une réponse un peu matante. Mais ça me fait flasher que si on pouvait troquer, justement, nos talents... Parce que souvent... Contre du temps, mettons. Contre du temps. Je pense que ça se fait déjà, le troc de temps et de talent. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis bon en ça, je vais le faire pour 5 personnes, tandis que cette personne-là est bonne dans telle autre chose, elle va le faire pour moi. Donc, à un moment donné, on... Ouais, c'est pas fou. On se spécialise dans un domaine et on vit en communauté. Ouais, c'est bien. Moi, si je peux me permettre, oui. ma solution à moi, ça serait le power nap, je pense. Quand on a parlé de sieste aux 15 minutes, là, moi, ça, je trouve que c'est vrai qu'il y a moyen de gagner du temps. Genre un power nap et une nuit plus courte. Ouais, voilà. Que tu peux ambitionner sur ta nuit un peu, mais en faisant une sieste le midi, puis mettons en fin d'après-midi, là, des petits 15 minutes. Là. Si Léonard de Vinci l'a fait, je vois pas pourquoi. C'était pas un mauvais gars, Léonard de Vinci. Allez voir sommeil polyphasique sur Wikipédia ou très bien. Ce que vous voulez. Et moi, Fred, je garde ma solution de trouver une exoplanète. Oui. La planète d'origine, en fait. Ou la planète d'origine, ou une autre planète qui aura 30 heures par jour. Puis je suis confiant. Il y a peut-être même des agendas papier sur cette planète. Absolument, aussi. Oui. Absolument. Antoine, moi, j'hésite entre celle-là, parce que je l'adore, trouver une autre planète, ou le Rotato. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin à notre première balado-diffusion de « Pas de problème ». Donc, si jamais vous avez des problèmes et vous voulez nous écrire, rendez-vous sur notre groupe Facebook. Facebook, vous tapez « Pas de problème », P-O-D, puis là, vous faites un point. Oui, il y a un gros point dedans dans le nom. Alors, « Pas de problème », on est facile à trouver. Oui. Ou cherchez « Pas le problème ». Pas le problème qui peut être... qui est notre mascotte. C'est notre mascotte, ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Un personnage mystérieux. Donc, vous nous écrivez vos problèmes et puis nous, ben, on va en choisir pour les prochaines semaines. D'ici là, vous pouvez aussi nous écrire vos commentaires et même nous envoyer des photos. Tout à fait. Oui, j'attends des photos, moi. Oui, voilà. Donc, Continuez à regarder les étoiles. Un dernier mot, Jean-Philippe? La même chose que Mathieu. Antoine? Pas de problème. Voilà. Ben, c'est tout pour Pas de problème. Et merci de nous avoir écoutés. Et au prochain problème.